Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'homme, il est fait pour manger de la viande ou il n'est pas fait pour manger de la viande? Et pour aller un petit peu plus loin, il y a cette histoire de longueur du tube digestif. J'en ai entendu, on en a entendu tous parler. Il y en a qui disent non, on est fait pour manger de la viande parce que notre tube digestif, il est fait pour digérer les acides aminés, etc., etc. Et d'autres qui disent non. Alors, c'est quoi la réalité dans tout ça? Je pense que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'expose la question, en fait. Je vais essayer d'expliquer ça de façon un peu plus précise. C'est des choses dont j'ai beaucoup parlé dans mon livre Paléonutrition sur l'aspect évolution et biologie. Donc, si d'abord on se réfère uniquement à la question évolution, biologie, génétique, corps humain, dans ce cadre-là, on sait que oui, l'être humain a un tube digestif qui est adapté à la consommation de viande. On a un tube digestif qui est très particulier, qui est différent de celui des singes, de celui des carnivores. On a quelque chose qui est un peu entre les deux. On a un tube digestif qui est adapté à manger des aliments plutôt cuits, notamment les produits carnés. On a un tube digestif qui est plus long que celui d'un carnivore. Le carnivore a un tube digestif qui est très court pour éviter justement une fermentation de ces produits animaux qui peuvent contenir des bactéries. Notamment, on voit un carnivore dans la nature, parfois il peut trouver de la charogne, il peut trouver des restes qui sont là depuis longtemps, donc il ne faut pas qu'il meure évidemment en mangeant tout ça. Donc son tube digestif est très court, hein, c'est le chat par exemple typiquement, pour éviter toute contamination bactérienne, que ces aliments transitent suffisamment vite au sein du tube digestif. Donc nous, c'est plus long chez nous. Donc si on mange de la viande faisandée, qui n'est pas cuite, il y a très forte chance qu'on tombe malade, voire qu'on décède. Par contre, l'herbivore, par exemple, lui, c'est un tube digestif qui est beaucoup plus long, avec en plus parfois plusieurs estomacs pour fermenter de façon extensible les produits végétaux comme l'herbe, les feuilles, etc. D'ailleurs, on a, c'est une parenthèse, mais bon, certaines personnes qui pensent que oui, alors donc on serait éventuellement, selon eux, frugivore ou crudivore, donc il faudrait manger que des fruits et des légumes, sauf que c'est pas exactement comparable parce que si vous prenez le cas par exemple d'un animal qui mange principalement donc des feuilles, donc beaucoup de fibres, il va fermenter ces fibres et il va les transformer en lipides. Et à la fin, ce qu'il va surtout absorber au niveau de son tube digestif, c'est des graisses. Okay. Donc Ça si on veut. va être son carburant pour d'énergie. Exactement, exactement. Donc si on veut avoir une alimentation qui est comparable à celle d'un herbivore, nous, ça voudrait dire en fait qu'il faut qu'on mange directement beaucoup de graisse et non pas beaucoup de végétaux. Donc encore une fois, c'est absurde. Mais bref, effectivement, notre tube digestif, il est fait pour consommer de la viande. Ensuite, sur le plan, comment expliquer, nutrigénétique, on est aussi adapté à manger de la viande parce qu'il y a des nutriments. À la fois certains sont essentiels, d'autres sont semi-essentiels, qu'on ne peut retrouver que dans les produits animaux et qui sont indispensables à une bonne santé. Par exemple, la vitamine B12, la carnitine, la taurine, la choline. Ces aliments-là, ces nutriments-là sont très importants. La glycine également ou le collagène. On ne peut pas avoir une santé optimale si on les obtient, si on ne les a pas dans l'alimentation. Ça ne veut pas dire que si on ne les a pas, on va mourir, hein. Ça veut juste dire qu'on n'aura pas une santé optimale. Maintenant, la question que tu m'as posée, c'est pas celle-ci. Enfin, c'est pas que celle-ci. C'est aussi de savoir si tu m'as demandé s'il fallait qu'on mange de la viande ou pas. C'est pas parce qu'on est fait pour faire quelque chose qu'il faut le faire. D'une certaine manière, si tu me demandes si je suis fait pour tuer mon voisin, bah, techniquement, j'ai deux bras, deux jambes, je sais me servir d'un couteau ou d'une arme à feu, donc je peux tuer mon voisin. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Tu Et vois ce que je veux dire? est-ce que implicitement, tu n'as pas déjà plus ou moins répondu à cette question quand tu as dit que en fait on pouvait se passer de la viande au final, mais qu'on n'allait pas être en santé optimale? Bah, oui, mais en fait, si tu veux, justement, c'est là où je voulais en venir ensuite. C'est que le fait d'être fait pour quelque chose ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ça, c'est le premier point. C'est un point un peu simple, on va dire. Le deuxième point, c'est de dire oui, mais effectivement, comme tu viens de dire, on a besoin de ces produits animaux puisqu'ils contiennent des nutriments essentiels. Eh bien, oui et non. Alors, pourquoi oui et non? Parce que l'homme est un animal doué d'intelligence qui utilise son cerveau, la science, au profit de son évolution et de sa survie. Un exemple frappant de ça, c'est qu'on a réussi à coloniser des espaces de vie très au nord de la Terre, donc dans le froid, avec des ensoleillements très différents, des longueurs de rayons UV très différents que ceux qu'on va trouver par exemple auprès de l'équateur ou même en France. Et donc, par exemple, dans les pays du Nord, donc Finlande, ou même où tu te trouves d'ailleurs, les rayons UV ne vont pas avoir une intensité identique à ceux qu'on a ici. Et la conséquence de ça, c'est qu'au niveau de la peau, on ne va pas synthétiser de la vitamine D de la même manière. Et la vitamine D, c'est une vitamine, donc par définition, elle est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et à de nombreuses fonctions. Et on ne peut pas vivre sans vitamine D. Et on a réussi à survivre dans les pays nordiques, soit en consommant certains aliments qui étaient naturellement très riches en vitamine D, qu'on a appris à découvrir au fil du temps, donc par exemple le foie de morue, soit grâce à la technologie en développant des compléments alimentaires de vitamine D qu'on a donné et qu'on donne toujours à toutes les personnes qui habitent dans ces pays nordiques. Mmh. On leur donne aussi souvent de la vitamine A. Et tout le monde trouve ça normal de prendre de la vitamine D. Par contre, quand on dit aux gens « Ah ben attention, si vous voulez être vegan, il faut que vous preniez un complément alimentaire de vitamine B12, un complément alimentaire de glycine, de carnitine, de taurine par exemple. Bah, » les gens qui ne sont pas vegan, ils vont vous dire « Ah ben non, mais moi je ne veux pas être dépendant de la prise d'un complément alimentaire. » Bah, en fait, c'est pareil. Que tu sois vegan ou omnivore, si tu cherches vraiment une bonne santé, le fait est que le mode de vie moderne, l'endroit où on vit, la plupart d'entre nous, fait qu'on a besoin d'un minimum de compléments alimentaires. Le plus élémentaire pour tout le monde, c'est la vitamine D. On le donne d'ailleurs dès la naissance aux nourrissons, hein, aujourd'hui à l'hôpital, et les pédiatres en prescrivent, au moins jusqu'à l'âge de 10 ans. Et c'est pareil pour les adultes, il faut en prendre. Et donc, le raisonnement peut s'appliquer aussi à des nutriments qu'on trouve dans les produits animaux si on souhaite s'en débarrasser. C'est pour ça que, comme je te disais, on est fait pour manger des produits animaux, mais il est possible techniquement d'avoir une santé optimale tout en supprimant les produits animaux. C'est possible, voilà. Mmh. Ouais, aujourd'hui, c'est devenu possible avec la complémentation. Voilà, c'est possible, c'est possible. C'est pour ça que, pour moi, c'est un petit peu nul de réduire le débat à juste la question de savoir si on peut ou pas, ou si on peut pas. C'est trop simpliste comme notion.